femme, épouse et mère. Me voilà comblée. Un mari, deux enfants, un chalet pour royaume. Si on m'avait dit que tout cela m'arriverait un jour, et pourtant, comme je l'ai rêvé cette existence, imaginé, espéré, revendiqué parfois. Alors une fois de plus, pourquoi ce manque de sérénité? J'ai terminé plusieurs travaux de secrétariat avant notre déménagement et la naissance de Thomas. Il n'est pas question d'envisager d'autres emplois rémunérés pour le moment. Me revoilà totalement dépendant des revenus d'un homme. J'ai horreur de ça. Je cherche mes marques entre deux querelles de territoire. Jusqu'à très récemment, dans mes couples, les tâches étaient bien définies. Mes compagnons successifs travaillaient toute la journée à l'extérieur et les rares fois où je ne travaillais pas moi-même hors de la maison, j'avais celle-ci pour moi toute seule. J'y cultivais mes compétences, celles de l'autre étant souvent agrémentées du suffixe « un » pour « incompétence » dans les nombreux domaines que je m'appropriais sans jamais lui laisser le choix. J'aimais ma solitude pendant ces périodes où je n'étais que femme au foyer. J'avais le temps de réfléchir, de méditer, de lire et de me retrouver quand je m'étais perdue, ce qui m'arrivait fréquemment. Si d'aventure mon compagnon du moment traînait dans les parages, il ne me fallait pas longtemps pour organiser sa vie autour de la mienne. Sois raisonnable, fais-le à ma façon. Mais je le faisais si ostensiblement pour son bien qu'il s'en plaignait rarement. Il s'en amusait, ou alors, il oubliait carrément de rentrer. Or, la vie que nous menons actuellement, Jean-Paul et moi, est si exotique que j'en perds tous mes repères. Il me faut les redéfinir, dépoussiérer ma représentation du couple pour retrouver celle que j'avais autrefois quand j'avais 20 ans et que j'y croyais encore. Pour commencer, je ne suis plus jamais seule, ni physiquement, ni affectivement, et encore moins intellectuellement. C'est une grande première pour moi qui n'avais aucune idée de la signification de ces mots 100 fois fantasmés, prouver l'âme sœur. Il faut que je m'y habitue tout en apprivoisant la réalité tangible de la chose. Toutes les femmes au foyer qui ont dû composer du jour au lendemain avec un époux à la retraite ou rentier me comprendront. Être deux en permanence sur le même territoire est loin d'être évident. De plus, comme j'ai épousé la dernière perle rare de la planète, mon cas est d'autant plus tragique. Tout ce que je fais, il sait le faire aussi bien, sinon mieux que moi. Que ce soit l'éducation de nos enfants, l'écriture, la poésie, le jardinage, la cuisine, ou couper les cheveux de toute la famille. En plus de tout cela, qui n'est pas exhaustif, c'est un peintre de talent, alors que je n'ai aucune disposition de ce côté-là. Comme si ça ne suffisait pas, il n'y a jamais, bien entendu, entre nous, la moindre hiérarchie. Non plus que la plus petite manifestation de supériorité machiste de sa part. Il a l'humilité de son intelligence. Il est, c'est tout. Et il m'aime, tel qu'en moi-même je suis. Ce qui veut dire que si je lui demande ce qu'il aime chez moi, il préfère ne pas répondre. Parce que, explique-t-il, définir ses restreintes. Il a bien raison. J'approuve en faisant semblant de le comprendre et en essayant de garder l'air intelligent pour ne pas le décevoir. Si mon cœur est au zénith, mon ego en prend un sacré coup. Je me rends compte petit à petit que j'ai un monde complètement déformé dans la tête. Un monde de compétition, de jeu de pouvoir, de manipulation, de rapport de force, de chantage affectif et d'amour au mérite. Or, mon compagnon ne mange pas de ce pain-là, ne joue pas dans cette cour sans lumière, préfère faire partie de ceux qui croient en l'homme et se font avoir, plutôt que de rejoindre les traîtres à leurs valeurs. Il tente donc, avec une infinie patience, de me faire aborder dans son monde de partage, d'amour, de don de soi et d'aide au développement des qualités de l'autre, sans pour autant renoncer à sa propre identité. M'aider à évoluer et atteindre mes propres objectifs, me faire plaisir, me voir heureuse, sont ses seuls souhaits. Elisabeth Badinter, Simone de Beauvoir, Germaine Greer, Benoît de Groult et les autres, vous pouvez tout aller vous rhabiller. Il me faudra plusieurs années pour corriger mes conditionnements. Mon époux ne loge pas dans ma tête. Je devrais apprendre à exprimer ce que je désire, souhaite, conteste. Pour autant que je le sache moi-même. Les non-dits, tergiversations et sous-entendus ne sont pas sa tasse de thé. Peu importe, comme le disait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Je n'ai plus qu'à le mettre en pratique et j'ai du pain sur la planche. Jean-Paul m'explique aussi que je ne suis pas sa servante. Il me répète qu'il n'a pas besoin de moi. Tant que je ne l'ai pas compris, pourtant c'était clair, cela me vexe au plus haut point. S'il n'a pas besoin de moi, qu'est-ce que je fais là alors? Autrefois, je me rendais indispensable, je savais mieux que personne élaborer seul un buffet pour accueillir 40 convives, rendre une maison agréable, chaleureuse, organiser le quotidien. Je rendais l'autre totalement dépendant et il suffisait que je menace de m'en aller pour gagner la partie en cas de conflit. Qu'aurait-on fait sans moi? J'avais le pouvoir absolu et total de ceux qui sont essentiels et voilà que désormais je n'ai plus rien à prouver. Je vais mettre du temps à admettre qu'on peut réellement m'aimer pour ce que je suis et pas uniquement pour ce que je fais. Jean-Paul évoque parfois l'histoire de Marthe et Marie. Rappelez-vous vos quelques heures de catéchisme. Marthe prépare le repas alors que Marie se contente d'écouter et de profiter de ces instants où elle peut recevoir la parole, apprendre et méditer. Elle a la plus belle part, dit le Christ. Et moi, comme Marthe, je me dis qu'il faut bien que quelqu'un fasse le boulot si on veut que toutes les Maries de la terre puissent profiter de cette part. Alors je cours d'autant plus. Je n'ai, une fois de plus, rien saisi. Par exemple, je peux vivre avec lui la meilleure part, l'accueil de l'autre, de sa plénitude, et partager équitablement celle dite « moins bonne ». Concocter un bon petit frichti à deux, c'est chouette, non? Même si c'est du travail. Pendant ces 5 années à la Forcla, je me bats sur tous les fronts. Pour commencer, celui qui est le plus à ma portée, essayer de coûter le moins cher possible. Adieu coiffeur, esthéticienne, coup de cœur vestimentaire et produits de beauté. Ensuite, dès que j'ai repris des forces, je cherche par le bouche à oreille du boulot à domicile. Après tout, j'ai toujours mon ordinateur, mon imprimante et un téléfax. C'est ainsi que grâce à une connaissance sympa, je suis promue secrétaire du conseil communal. Je m'initie au rouage de la politique suisse. C'est nouveau pour moi qui ai vécu en France pendant 20 ans. Je fais de l'anthropologie. J'enregistre et retranscris toutes les séances, parfois épiques, et participe aux divers dépouillements des votations, assez nombreuses dans ce pays. Je suis partie prenante de la vie de la commune et m'amuse énormément dans ce nouveau rôle d'observatrice. S'ils savaient d'où je viens, tous ces gens qui me font confiance, pourquoi m'inquiéter? Comme souvent, personne ne s'intéresse à moi, seulement à ma fonction. C'est le président du conseil qui vient me chercher à domicile et qui me ramène. Ce qui, vu le nombre de verres qu'il ingurgite après les séances, n'est pas sans danger. À côté de ça, je dactylographie les livres de clients ponctuels. Ainsi, j'en apprendrai un peu plus sur le métier d'écrivain et sur le pèlerinage de Compostelle qui est de plus en plus populaire. Toujours dans l'optique de mettre du beurre dans la bistorte, j'achète, quelques temps plus tard, une machine à tricoter d'occasion. Après 6 laborieux mois à acquérir un peu de métier, j'arrive enfin à sortir une paire de chaussettes parfaites. D'autres suivent. Je revends suffisamment pour rembourser mon investissement, mais contrairement à ce que j'espérais, je n'aurai jamais le temps d'en faire commerce. La fortune ne sourit pas aux tricoteuses. Partant du vieux principe « aide-toi, le ciel t'aidera », à moins que je n'aie pas tout à fait confiance dans les compétences divines dès qu'il s'agit d'argent, je cherche sans cesse, et en vain, des moyens d'enrichir le quotidien. À croire que je n'ai pas assez de travail en élevant 2 enfants et en faisant quasiment tout à partir de produits de base. Quand je pense à l'énergie dépensée à l'aube de ma quarantaine, j'ai de la peine à concevoir aujourd'hui que j'en ai été capable. Beaucoup de mes consoeurs ont été plus malines qui se sont débrouillées pour en faire 10 fois moins, s'appuyant sur leur fragilité. Sexe faible, mon œil. Parfois, je déplore de n'avoir pas choisi la solution de me reposer au travail, en échange d'un bon salaire, et de laisser le sale boulot à une nounou. Tant cela me semble compliqué, fatigant et frustrant d'élever moi-même mes enfants. Pourquoi ai-je choisi cette vie alors que je serais si bien à tailler une bavette devant la machine à café. Par contre, je suis très contente et fière d'être à la maison quand mes enfants prononcent leurs premiers mots, font leurs premiers pas. Et je profite à fond de ces instants uniques. Une seule fois, je me suis trompée de priorité. Irrémédiablement, privilégiant la décoration du sapin de Noël de l'église et laissant Jean-Paul aller seul à la fête de l'école. Il m'a raconté que Thomas avait remarquablement joué sa part dans la pièce. Et dire que j'avais raté ça. J'ai mis du temps à me le pardonner. J'ai été consolée le jour où mon fils, allant vers ses 8 ans, s'est soudain pris à fredonner, à côté de moi, mais pour lui-même, cette si jolie chanson de Juliette Gréhou. Un petit oiseau, un petit poisson s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? J'ai eu ce jour-là droit à mon petit récital personnel et je ne l'ai jamais oublié. Merci, Thomas. Tu verras, m'avait dit Jeannot, ça ne sera pas facile tous les jours. Nous nous sentirons souvent bien seuls, même à deux. Mais qu'à cela ne tienne, nous en profiterons pour apprendre à nous connaître, nous reconstruire, nous enrichir spirituellement. Et là, ce n'est pas si simple. Quelle est cette force étrange qui me pousse à inviter tous nos amis à notre table? À accepter toutes les visites qu'on m'impose par ailleurs, à ne jamais dire non. La peur de me retrouver effectivement face à moi-même? Peut-être, à moins que ce ne soit plus complexe que ça. Bien sûr, le fait que nous vivons désormais dans un paysage idyllique n'y est pas pour rien. Le « on a beaucoup d'amis quand on vit en Provence » peut s'appliquer ici et certains viennent de très loin pour nous retrouver. Visite néanmoins ponctuelle, à ne pas confondre avec celle plus fréquente et systématique des membres de notre grande famille. Quand nous nous sommes connus, Jean-Paul et moi, nous évoquions les principes de la tribu, des regroupements multigénérationnels. Nous déplorions que de nos jours les vieux soient mis à l'écart, que les jeunes couples ne puissent plus bénéficier de leur expérience. Par devers moi, je garde cet idéal d'une mère grand qui distrait les enfants au coin du feu pendant que les parents vaquent à des occupations demandant plus d'énergie. J'imagine un monde où les aïeux meurent à la maison dans les bras de leurs enfants, où la maman accouche au milieu de sa famille, sa mère et sa belle-mère de connivence pour s'occuper de la maison et faire à manger pour tout le monde pendant qu'elle repose avec son bébé. Belle et grande illusion que tout cela. Nous sommes les purs produits de familles décomposées, recomposées, compostées. Il faut nous rendre à l'évidence. Nos parents sont bien trop âgés, usés, peu motivés pour remplir ce rôle idéal. Je devrais m'habituer au fait qu'à une ou deux précieuses exceptions près, recevoir du monde chez moi signifiera d'abord avoir bien plus de travail et non le contraire. Une fois acquis et accepté ce dit fait, je suis très fière de pouvoir démontrer mon tout nouveau savoir-faire. Accueillir chez nous père, mère, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, tante, frère, nièce, marraine et amie, reprenant le flambeau pour chaque fête de famille. Pourtant, dès qu'il s'agit de ma propre mère, j'ai tellement peur de déplaire que malgré les paroles apaisantes de Jeannot, du calme, c'est pas la mère d'Angleterre tout de même. J'angoisse pendant plusieurs jours et m'épuise à briquer le chalet de la cave au grenier. Quand vient le moment du choix et de la préparation des menus, c'est pire encore. La tension augmente de façon insupportable, j'en suis presque malade, à tel point que c'est Jean-Paul qui s'y colle pour faire la cuisine. Difficile d'imaginer à ce point-là de mon existence qu'un jour, je deviendrai une femme équilibrée, épanouie et sereine, débarrassée de bien des complexes et heureuse de vivre en harmonie.